Salut. Ouais, mais avec ma guitare, moi. Là-bas, Sharon ? Ah, presque. Elle est synchro, la batterie, là ? On peut faire mieux, hein.